Jérémie chapitre 6. Enfant de Benjamin, fuyez par troupes du milieu de Jérusalem, et sonnez du cor à Tekoa, et élevez un signal de feu à Beth-Kerem, car le mal est une grande ruine apparue de l'Aquilon. J'avais rendu la fille de Sion semblable à une femme qui ne bouge point de la maison, et qui est délicate. Les pasteurs avec leurs troupeaux viendront contre elle, ils planteront leurs tentes autour d'elle, chacun paîtra en son quartier. Préparez le combat contre elle, levez-vous, et montons en plein midi. Malheur à nous, car le jour décline, et les ombres du soir s'accroissent. Levez-vous, montons de nuit, et ruinons ces palais. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, coupez des arbres, et dressez des terrasses contre Jérusalem, c'est la ville qui doit être visitée, elle n'est toute entière que rapine au-dedans. Comme le puits fait bouillonner ses eaux, ainsi elle fait bouillonner sa malice, on entend en elle devant moi continuellement que violence et que dégâts, avec des maladies et des plaies. Jérusalem, reçois instruction, de peur que mon affection ne se retire de toi, et que je ne fasse de toi un désert et une terre inhabitable. Ainsi a dit l'Éternel des armées, on grappillera entièrement comme une vigne les restes d'Israël. Remets ta main dans les paniers comme un vendangeur. À qui parlerai-je, et qui sommerai-je, afin qu'ils écoutent? Voici, leur oreille est incirconcise, et ils ne peuvent entendre, voici, la parole de l'Éternel leur est en opprobre, ils n'y prennent point de plaisir. C'est pourquoi je suis plein de la fureur de l'Éternel, et je suis là de la retenir, de sorte que je la répandrai sur les enfants par la rue, et sur l'assemblée des jeunes gens, même le mari sera pris avec la femme, et l'homme âgé avec celui qui est rassasié de jour. Et leurs maisons retourneront aux étrangers, les champs, et les femmes aussi, car j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Parce que, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, chacun s'adonne au gain des honnêtes, tant le prophète que le sacrificateur, tous se portent faussement. Et ils ont pensé la froissure de la fille de mon peuple à la légère, disant, paix, paix, et il n'y avait point de paix. Ont-ils été confus de ce qu'ils ont commis des abominations? Ils n'en ont même eu aucune honte, et ils ne savent ce que c'est que de rougir, c'est pourquoi ils tomberont sur ceux qui seront tombés, ils tomberont autant que je les visiterai, a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins, et regardez, et vous enquérez touchant les sentiers des siècles passés, quel est le bon chemin, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Et ils ont répondu, nous n'y marcherons point. J'avais aussi établi sur vous des sentinelles qui disent, soyez attentifs au son de la trompette. Mais on a répondu, nous n'y serons point attentifs. Vous donc, nation, écoutez, et toi, assemblée, connais ce qui est entre eux. Écoute, terre, voici, je m'en vais faire venir un mal sur ce peuple, savoir, le fruit de leurs pensées, parce qu'ils n'ont point été attentifs à mes paroles, et qu'ils ont rejeté ma loi. Pourquoi m'offrir de l'encens venu de ce bas, et le bon roseau aromatique du pays éloigné? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais mettre en ce peuple-ci des achoppements, auxquels les pères et les enfants, le voisin et son compagnon, heurteront ensemble, et ils périront. Ainsi a dit l'Éternel, voici, un peuple vient du pays de l'Aquilon, et une grande nation se réveillera du fond de la terre. Ils prendront l'arc et l'étendard, ils seront cruels, et n'auront point de compassion, leur voix bruira comme la mer, et ils seront montés sur des chevaux, chacun de les ranger en homme de guerre contre toi, fille de Sion. En aurons-nous oui le bruit, nos mains en deviendront lâches, l'angoisse nous saisira, et un travail comme de celle qui enfante. Ne sortez point au champ, et n'allez point par le chemin, car l'épée de l'ennemi et la frayeur est tout alentour. Fille de mon peuple, ceins-toi d'un sac, et te vautre dans la cendre, mène deuil comme sur un fils unique, et fais une lamentation très amère, car le destructeur viendra subitement sur nous. Je t'ai établi comme une place forte, et une forteresse au milieu de mon peuple, afin que tu connaisses les sons de leur voix. Ils sont tout revêches, et plus que revêches, et ils vont médisant, ils sont comme de l'airain et du fer, ils sont tous des gens qui se perdent l'un l'autre. Le soufflet est brûlé, le plomb est consumé par le feu, le fondeur a fondu en vain, car les mauvais n'ont point été séparés. On les appellera, argent réprouvé, car l'Éternel les a réprouvés.